7-10, activation, compréhension auditive, numération. Écoutez et notez les âges suivants. Écrivez en chiffres. 1. Mireille a 19 ans. 2. Cécile a 22 ans. 3. Marie-Laure a 10 ans. 4. Henri Potier a 52 ans. 5. François Bellot a 51 ans. 6. Armand Bellot a 69 ans. 7. Guillaume Bellot a 55 ans. 8. Adolphe Bellot a 93 ans.